Chapitre 10e. Lundi 5 juillet au matin. Le grand Michel, la seule cloche rescapée du tremblement de terre de 1909, sonne le glas. Ce séisme avait fait 46 morts et était encore présent dans les esprits. Les villages de Rognes, Saint-Cana, Bernègue emportaient encore les stigmates. Le temps, comme s'il avait compris qu'il fallait être triste, s'est mis à la pluie avec un fort vent d'est. La mairie a vite et bien fait les choses pour l'enterrement de Madame Kunz. Le médecin ayant délivré le permis d'inhumer, il était inutile d'attendre plus longtemps. Peu de monde dans l'église Notre-Dame de l'Assomption, surtout en raison du mauvais temps. Quelques curieux et un carré de bigotes qui ne manquent aucune occasion de se rencontrer et de cancaner. À part quelques parents d'élèves, il n'y a de fait presque personne qui soit là en éprouvant un chagrin sincère. Adrien est venu avec Mireille pour rendre un dernier hommage à une collègue qu'il n'a guère connue. Le couple est arrivé en se tenant par le bras. Cela signifie à qui veulent voir qu'ils sont maintenant ensemble. Malgré la saison, tous les deux se sont habillés de noir. Mireille s'est coiffée d'un petit chapeau. C'est leur premier acte social commun. Bien que laïque, Adrien n'est ni athée ni agnostique. Se conformant au rituel, il a trempé sa main dans le bénitier et a fait un signe de croix, ce que n'a pas manqué de remarquer le curé Pradel. Brossard ne veut pas apparaître comme le loup dans la bergerie. Le maire aussi est là, avec son secrétaire, plus très jeune et qui tremble légèrement. Ils ont tous deux conscience d'accomplir leur devoir de citoyen et d'édile de la commune. Dans l'assistance, un autre homme est là, près d'un pilier, au fond de l'église. C'est Maxime qui a fait un gros effort sur lui-même pour assister à cette cérémonie. Il est certain que de tous ceux qui sont là, c'est lui qui doit éprouver le plus de chagrin. Quelques enfants ont aussi pris place dans les travées, en s'interrogeant mutuellement sur ce qui va se passer. Le curé Pradel commence sa messe, puis vient le moment du sermon. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Marcel Kunz. Le curé a-t-il fait exprès d'écorcher le prénom de Marceline sous prétexte qu'il ne l'a jamais vue dans son église? Il cite ensuite Saint-Marc 6, 30, 34, pour signifier que chaque brebis a besoin d'un berger, sous-entendu, chaque âme a besoin d'un curé. Puis, comme c'est de coutume aux enterrements, il se fend du couplet sur la résurrection. Nous devons croire à la résurrection des corps, à notre propre résurrection, avoir la certitude de cette vérité pour adhérer pleinement à la foi de l'Église. C'est pour l'avoir constamment présente à notre esprit que nous la proclamons chaque dimanche. Bien sûr, pense Adrien. Marceline ne l'a jamais proclamé chaque dimanche, cette fois en la résurrection. Et pourtant, cela n'empêchera pas son âme de rencontrer le grand tout originel, qu'elle ait eu la foi ou non. D'abord, il aimerait bien que quelqu'un lui dise ce que c'est que la foi. Chacun en a sa propre définition et son propre ressenti. Et s'il existe un paradis, nul doute que Marceline y accédera, car Adrien est persuadé que l'esprit ne fait pas de différence entre les piliers d'église et les autres. Et si le curé savait que Marceline était très probablement juive, il en aurait une attaque. Pour Adrien, ça ne fait aucune différence, et peu importe la façon dont on accompagne une âme en partance, pourvu qu'on l'accompagne. Maxime a écouté d'une oreille distraite le curé, refermé qu'il est sur son chagrin. Lorsque le prêtre brandit au-dessus du cercueil un encensoir gros comme une théière, il n'y tient plus et sort prendre l'air sur le parvis de l'église. La pluie affaiblit et l'air sent la terre mouillée. Un homme s'est mis à l'abri sous le porche. C'est le rémouleur qui a laissé sa charrette sous un platane. Il fait la navette entre Saint-Cana, Lambesque, Rognes et la Rome d'Anteron. « Qui est-ce qu'on enterre ? » demande-t-il à Maxime. « C'est l'institutrice, Marceline Kunz, » répond faiblement le jeune homme. « Oh, mais je la connais. Enfin, je la connaissais, je veux dire. » La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a parlé à sa fenêtre. Elle m'a dit « Revenez plus tard, je trairai mes couteaux. » « Maintenant, je n'ai pas le temps, je reçois du monde. » Et effectivement, un couple est entré chez elle. Plus tard, vers 7h30 du soir, je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Elle était déjà partie. Trophée m'enlève son chapeau. Le cercueil est porté hors de l'église, le cortège se forme sur la place des Poilus, que tout le monde continue d'appeler place de l'église. « Tiens, c'est eux qui sont venus voir Madame Kunz, » dit le rémouleur en désignant les parents de Camille, en grand deuil de leur fille. Maxime regarde passer le couple, il le voit pour la première fois. Le père est fluet, mais avec une bedaine et la mère est droite et mince. Elle a dû être jolie. Le soleil s'est levé, comme pour accompagner de ses rayons l'entrée d'une âme dans la grande lumière. Peu de monde suit le corbillard et le petit groupe prend un caractère intimiste inattendu. Maxime aborde Adrien. « Vous vous souvenez de moi, monsieur Brossard ?»« Oui, bien sûr. Tu étais un de mes premiers élèves. Tu peux me tutoyer car nous n'avons guère de différence d'âge. » Je débutais alors et toi tu étais dans la classe du certif. Tu as repris l'exploitation de ton père? Oui, avec mon frère. Nous faisons surtout les légumes et les volailles. Nous avons aussi quelques moutons, mais on les laisse à un berger. Tu as ton certificat d'études. Pourquoi n'as-tu pas essayé de faire autre chose? Je ne pouvais pas laisser ma mère et mon frère était trop jeune quand mon père est mort, alors je n'ai pas eu le choix. Eh oui, c'est souvent comme ça dans les campagnes, on ne peut pas faire autrement. C'est vrai aussi, sans vouloir te vexer, que ton frère a toujours eu un poil dans la main. Tu connaissais Marceline Kunz? C'était la maîtresse de Camille, la petite qui est morte et qui s'était prise d'affection pour moi. J'ai rencontré plusieurs fois Marceline et nous voulions aider la gamine pour qu'elle soit un peu plus heureuse. Pour te dire la vérité, Maxime, j'ai entendu tes interrogatoires. Moi, j'ai senti que tu aimais sincèrement cette gosse. J'ai aussi compris que tu en pinçais pour Marceline. Je suis sincèrement désolé pour toi. Qu'est-ce que tu penses de Trinquier? C'est pas un mauvais bougre, mais il a l'obligation de résultat vis-à-vis du juge. Celui-là, tu vois, dit Brossard en parlant du juge, je serais capable de me relever en pleine nuit pour le tirer, si c'était un lapin. Maxime sourit et partage l'ardeur du d'Adrien. Il a soudain envie de se confier à cet homme qui a partagé quotidiennement 2 ans de sa vie quand il avait 12 ans. Tu sais, dit Maxime en s'autorisant le tutoiement conseillé par Adrien. Je crois que j'aimais Marceline. En tout cas, je crois que je l'aurais demandé en mariage. J'ai perdu Camille, mon petit trésor, et Marceline avec qui je pensais pouvoir fonder une famille. C'est dur, tu sais. Je te comprends. Moi aussi, j'ai souffert. J'ai perdu des années de vie, mais je n'ai perdu personne. Et au contraire, j'ai trouvé l'amour. Alors sincèrement, Maxime, tout compte fait, je m'estime mieux loti que toi. Mais tu es encore jeune, et tout peut encore arriver. Oui, Adrien, tout peut encore arriver. Mais jamais comme on le pense. Maxime n'entre pas au cimetière. Il pressent que ce sera trop dur pour lui. Il rentre à la ferme en se promettant de tenir les résolutions prises. Mireille se rapproche d'Adrien pour pouvoir lui parler à l'oreille. « Il a l'air bizarre, ce Maxime, » interroge Mireille. « Je l'ai eu en classe. C'était un très bon élève. Je trouve qu'il a gâché ses chances. Et c'est bien dommage, mais il n'aurait pas pu faire autrement, à moins de tout plaquer. En tout cas, il est beau garçon. » insinue Mireille avec un air par en dessous. « Dis-toi, fais attention, hein ?» dit Adrien, pour jouer les jaloux. Mardi 6 juillet. Rien d'intéressant si ce n'est que le parquet a rendu le corps de Camille à ses parents. L'inhumation est prévue pour jeudi 8 juillet. Mercredi 7 juillet. Sur la route de Salon, Trinquier et ses hommes pédalent, penchés sur leur guidon, en sueur sous leur képi. « Bon Dieu !» pense le chef. Les gendarmes d'avant étaient peinards, le cul sur la selle, en attendant que le cheval avance, au lieu de s'éreinter sous le soleil. Et puis les vélos, ça ne mange pas, alors c'est tout bénef pour l'État. « Allez, la pébille avance, » dit-il en s'adressant à Boissier. On les appelait car le corps de Marcel a été découvert, noyé dans un canal d'irrigation vers 11 h. Le corps a glissé la tête la première dans l'eau à l'endroit de la vanne. Les bras du cadavre sont coincés dans la rigole d'écoulement. Les tibias sont encore appuyés contre le pontet comportant la vanne. Il y a à peu près 1,60 m entre le fond de la rigole et le pontet qui enjambe le canal. Trinquier et ses hommes, appelés aussitôt sur les lieux, sont perplexes. Ils essaient de comprendre. Le corps est finalement décoincé, non sans mal, et le médecin arrivé depuis peu l'examine. « Il est mort par noyade, c'est évident, » conclut-il. « Est-ce qu'il porte des traces de coups sur la tête ?» demande Trinquier. « Non, » dit le docteur après examen. Il s'est noyé parce qu'il avait la tête dans l'eau. Ses bras coincés ne lui ont pas permis de se dégager. Il a dû remuer les jambes comme un fou. Regardez l'état du pantalon. Drôle de mort. Maxime, aussitôt prévenu, arrive, une bêche à la main. Très pâle et très calme, il contemple son frère sur le pontet. Comment est-ce arrivé ? Demande-t-il. Une fois renseigné, il secoue la tête tristement. Ça devait arriver un jour. On a un crochet pour soulever les vannes sans se baisser. Je lui dis 100 fois d'utiliser au lieu de farfouiller la tête en bas à plat ventre sur le pontet. « On va prendre la brouette qui est là, » dit Boissier, « et on va le porter chez toi. Tu devrais prendre les devants, Maxime, pour les préparer ta mère. » Quand ils entrent dans la cuisine, la mère est affalée sur la table. Ses mains pétrissent la toile cirée. Elle n'a pas la force de se lever, et les gendarmes déposent le corps au visage gonflé dans la chambre attenante.